بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا 35 في المورد العذب الزلال للشيخ العلامة الشيخ النجمي حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه. سيفخيرون الله عز وجل، سيفخيرون الله عز وجل. notre 35e cours dans ce noble livre de son éminence Cheikh Najmi حفظه الله تعالى، الله سبحانه وتعالى le guérisse، dont le titre est la critique abondante et délicieuse de certaines voies dont dawa et de certaines croyances. فبعد أن انتهى الشيخ من نقد جماعة الإخوان في 25 نقطة، وكان آخرها تزهيدهم في العلماء لكي يبقى الشباب بعيدا عن أهل العلم ويفعلوا بهم ما شاءوا، وهذه حقيقتهم وحقيقة أتباعهم في العالم. فهذا الذي نصب نفسه مفتيا في شمال فرنسا على أمواج إذاعة مدينة روبي، إذاعة نصر البدعة والمبتدعة، قال مرة: يجب على العلماء أن ينزلوا من المريخ. وهذا الممثل الحالي للمسلمين في شمال فرنسا قال: لا تأخذوا عن العلماء إلا كيف تغسلون بين أصابعكم. وها هم أتباع إخواني في بروكسل يقولون: لماذا تهتفون إلى علماء السعودية وتتصلون بعلماء السعودية؟ نحن هنا ونعرف واقعكم. والله هؤلاء مساكين، والله هؤلاء مساكين. اي ابخي كو الشيخ الله سبحانه وتعالى لو غيريس اتيرميني لا كريتيك ديال الاخوان المسلمون سور 25 بوين لي كريتيكي، الى ايمي على لور سوجي 25 كريتيك. لا ديرنيير دي كريتيك ايتي لو فات كيلز ايلوان لا جونيس اي لي جون ديزون دو سيونس بور كو لي جون اي لا جونيس سورتو restent loin des hommes de science pour qu'ils puissent faire d'eux ce qu'ils veulent. Et ça, c'est leur réalité à travers le monde entier. C'est leur réalité, la réalité de leur chef et la réalité de leur disciple à travers le monde. Quand on écoute celui qui s'est donné le titre et qui s'est fait moufti du nord de la France sur les ondes de la radio qui fait triompher l'innovation dans la ville de Roubaix et qui fait triompher les innovateurs, un jour il a dit: les savants doivent descendre de Jupiter. A'oudou billah. Et celui qui est maintenant, depuis quelques jours maintenant, le représentant des musulmans au nord de la France, il a dit: on prend des savants justes comme on l'avait entre nos orteils. Regardez, a'oudou billah. Alhamdoulilah qu'on prend ça des savants, parce que si on ne sait pas comment laver ses orteils, sa prière serait non avenante. Et voici leurs disciples aussi et les du'ats de Bruxelles qui disent: pourquoi vous téléphonez aux savants d'Arabie Saoudite alors que nous sommes ici et nous connaissons votre situation et votre réalité? Ceux-là, ce sont des pauvres gens. Ils ne savent pas ce qu'ils sortent de leur tête. وبعد هذا فتح الشيخ فصلا ينتقد فيه السرورية والقطبية، وبدأ النقد بالسرورية من خلال مجلتهم السنة، وهي في الحقيقة كما صرح غير واحد من أهل العلم مجلة البدعة. وفي العدد 27 لهذه المجلة ينتقد محمد سرور الإخوانية. ووقفنا قبل البارحة على النقطة الثامنة، على الوقفة الثامنة التي قالها الشيخ تجاه كلام سرور. Et après ces critiques d'Ikhwan Mouflissoun, Cheikh Najmi a ouvert un chapitre dans lequel il s'attaque maintenant au Sorori et au Qutbi. Il a commencé la critique d'Il Sororiya à travers leur revue eux-mêmes qui s'appelle Sunna, qu'ils ont appelé Sunna, alors qu'en réalité cette revue doit être appelée le Bid'a, comme l'a dit plus d'un nombre de sciences. Et il a cité leur écrit directement, l'écrit de Mohamed Soror lui-même, dans le numéro 27 de cette revue, où lui-même il critique les frères musulmans. Je veux dire que même lui qui est un ancien d'Ikhwan, qui est dissident d'Ikhwan, qui a fait son groupe, il critique l'Ikhwan. Nous sommes arrêtés au 8e point sur lequel Cheikh Najmi a tiré notre attention. Il a tiré l'attention sur les paroles de ce que disait Soror en ce qui concerne l'Ikhwaniya. يقول الشيخ حفظه الله تعالى تامنا ويستنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوما من الدهر من العلماء لا لشيء سوى أنه ليس من جماعة الحزب أي ليس من الإخوة المفلسون. الشيخ نجمي دو ندير لو 8e point et on retient de ça, c'est-à-dire de ces paroles de Soror et de cet exposé de Soror dans sa revue. Il dit ça, c'est une claire. On retient que ceci est une preuve claire de ce que nous avons dit, de ce que nous avons émis comme critique contre ce groupe. Et comme quoi ce groupe avertit ses disciples de tous ceux qui ne sont pas avec eux. C'est-à-dire, si un homme de science n'a jamais été avec eux, il n'est pas avec eux, il ne les encourage pas, il n'est pas leur sympathisant, ben ils avertissent les gens contre lui. Tout simplement parce qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Tout simplement parce qu'il ne gobe pas les nullités de leur parti. Et c'est ainsi qu'agissent les Ikhwan à travers le monde et tous les autres groupes, que ce soit le Tabligh ou le Qutbiya ou le Takfir, tous ils font de même. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala salam wa al-afiyah. Tasi'an yaqulu Sheikh Najmi hafidhahu Allah imanuhum bin nidham demokrati al-gharbi fil istifta ay al-intikhabat وأن من أخذ أصواتا أكثر كانت له الشرعية في نظرهم حتى ولو زاد صوتا واحدا حتى ولو زاد فقط صوتا واحدا حتى ولو زاد فقط صوتا واحدا أو صوتين واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية فما هي الشرعية التي اكتسبها بذلك. Le neuvième point, et regardez comment ils sont, comme ça vous allez comprendre le rouage de tous ces groupes, comment ils sont, comment ils fonctionnent. Là, en réalité, ce travail de Cheikh Najmi, c'est un travail énorme qui te montre le mécanisme de la machine d'Al Ikhwan et de tous les autres groupes igari. Il dit, neuvième point, ils croient en l'organisation démocratique occidentale, c'est-à-dire les votes. C'est pour ça que tu ne t'étonnes pas que Yukunissen, dans les ondes de radio et dans ses cours, il dit que si tu ne votes pas ici en France, t'as trahi Allah et t'as trahi le messager d'Allah Azza wa Jal. A'oudhu billah. D'où tu le tiens? Et donc, toute l'organisation d'Al Ikhwan, tous les Ikhwan, leur tête et leur minus croient en la démocratie occidentale en ce qui concerne les, et surtout en les élections. Et que si quelqu'un parmi eux, quand ils font leur vote, a plus de voix, bah, il a la législation. C'est un guide légiféré à leurs yeux. Même s'il n'a qu'une seule voix de plus, ou deux voix de plus, lorsque cette voix de plus, ou là, ces deux voix, lui donne la législation, met la législation à ses côtés. Et c'est quoi cette législation qu'il met à son côté? D'où tu comprends comment les Ikhwan sont comme des caméléons. Là où ils sont, ils prennent la couleur des lieux. Là, tout ça. Et de là, tu comprends pourquoi ceux qui sont ici, que ce soit les Tariq Ramadan, ou là les Omar Asfar, ou là, et j'en passe, ceux que vous avez dans la région parisienne, ou là ceux que vous avez à Bruxelles, ou là ceux, n'importe où, ils appellent au fait de voter. عاشراً أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرئاسة يصبح ديكتاتوراً ومتسلطاً يفصل من يشاء ويعين من يشاء لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى وإذا قال قولاً وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقاً أو باطلاً والويل لمن خالف ورفع رأسه مستنكراً وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى إلى آخر ما ذكر. Et Cheikh Najmi de dire aussi, dixième point, il sort des paroles de Sorour, de son écrit, que le président qui est arrivé à la tête du groupe, il devient un dictateur. Il devient, ça c'est directement ce qu'il sort des paroles d'un ancien Ikhwan qui est Mohamed Sorour, que celui qui arrive à la tête, il devient un dictateur. Il éloigne qui il veut, il rapproche qui il veut, il rejette qui il veut de la Jama'a, il rapproche qui il veut. Tout simplement, pour l'intérêt. C'est pas pour un intérêt général, mais tout simplement par passion. Et si il dit une parole, il est obligatoire pour les membres de lever la main pour prouver qu'ils sont d'accord avec le président du groupe. Que ça soit vrai ou que ça soit faux, ils doivent être d'accord avec lui. Et malheur à celui qui est en divergence, ou là qui lève la tête pour protester. Et il peut y arriver des litiges et des disputes, et où ils vont s'échanger des accusations entre eux. Et le groupe va se diviser en deux, et d'autres groupes vont sortir, comme il l'a dit Sorour. Donc c'est quelqu'un qui connaît la maison de l'intérieur, et qui est en train de nous la décrire. Et Cheikh Najmi nous sort ces points à retenir de cet exposé de Sorour. يقول الشيخ نجمي حفظه الله تعالى وفي هذا دليل لما قررته سابقا بأن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم وكل قسم من القسمين ينقسم وهكذا ذواليك. Et Cheikh Najmi de dire, et dans ça il y a une preuve à ce que j'ai confirmé auparavant, que le sectarisme, que le hizbisme, c'est un cancer, c'est un microbe qui se morcelle en plusieurs morceaux. Et le même morceau se morcelle en plusieurs morceaux, et ainsi de suite. Comme il est arrivé à l'Ikhwa al-Muflisin, combien de groupes sont sortis, et combien de groupes sont sortis du groupe qui sont sortis de l'Ikhwan. Thumma akhbara hafidhahullah ta'ala, thumma akhbara annahu qarrara, ay surur, annahu qarrara anfisalahu an al-jama'a, lamma arafa ma indahu min as-salbiyyat, lati dhakara wa ghayruha, thumma qala ba'da anfisali an al-jama'a, وضعت لنفسي توابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدلها بغيرها وها قد مضى على مسيرتي في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه التوابت ومن هذه التوابت ما يلي. الشيخ نجمي دون رابورتون les paroles de Mohamed Sorour dit, et ainsi Mohamed Sorour annonce qu'il a pris la décision de sortir de ce groupe et de se détacher de ce groupe après avoir connu tous les mauvais côtés qu'ils ont et toutes les nullités et le faux sur laquelle ils sont. Et il nous a cité certains points nuls qui sont chez l'Ikhwan, alors lui qui était un Ikhwan pendant plus de 10 ans. Et il a dit, c'est-à-dire Sorour, après être séparé avec le groupe, c'est-à-dire avec l'Ikhwa al-Muflisoun, je me suis imposé des points de départ, desquels je ne dois pas dévier, et que je ne vais pas changer. Et voilà, il dit maintenant, voilà que je suis sur cette nouvelle voie depuis 20 ans maintenant. Et il dit, plus le jour passe, plus les années passent, ça m'a convaincu qu'il faut que je m'attache à ces fondements que je me suis donné. Et maintenant, il cite les fondements qu'il s'est donné lui-même. Yaqul, كما نقل عنه الشيخ النجمي حفظه الله تعالى من من من من هذه من من مجلته. أولا أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. Première chose dit Sorour, la base pour moi est devenue le fait de se cramponner à la voix et aux croyances de mes pieux رضوان الله عليهم. Cela, ça doit attirer ton attention, frère, en Allah Azza wa Jalla. Cela veut dire que il dit que les rois les musulmans ne se cramponnent pas aux croyances d'El Salaf ni à la voix d'El Salaf. ثانيا يقول كما نقل عنه الشيخ النجمي لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر. Deuxièmement, et c'est très important aussi ce que nous cite les points qu'il a pris Cheikh Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala, et ça c'est la clairvoyance que Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné aux hommes du hadith, que Allah Subhanahu wa Ta'ala les préserve, que Allah Subhanahu wa Ta'ala les comble de sa sainte miséricorde et qu'il leur donne le firdaus al-a'la. Il dit rahmatullah alayh et que Allah Subhanahu wa Ta'ala le guérisse, il rapporte de Soro, il dit et pour moi maintenant l'activité islamique, ce n'est plus pour moi une da'wa salafia et une réalité soufie. Car il dit que ce mixage ne peut pas être une base pour l'unité dans l'activité islamique. Et ce mixage n'amène qu'à la division et qu'à la dispute et qu'à la dispersion. Regardez. Hein? Ça veut dire que là, encore une fois, hein? Retiens ça, frère en Allah Azza wa Jal, que dans l'Ikhwa al-Muslimoun, il y a un mixage, il y a un mélange d'Awa Salafiya, Haqiqa Sofiya, et ainsi de suite. Tous les kharabites des autres groupes sont réunis dans l'Ikhwa al-Muslimoun. Et Hada, Shahida Shahidun min Aliya, c'est un témoin de l'intérieur de la maison. C'est pas un étranger à la maison qui dit ça. Thalitan, يقول سرور أن العمل مما أخرجه لنا الشيخ النجمي أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر للمعنى كقول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. Là aussi c'est très important, hein? Que Allah subhanahu wa ta'ala couvre comme les hommes de science de ses bienfaits. Et la louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette clairvoyance qu'il a donnée aux hommes de science. Cheikh Najmi de nous dire, regardez ce qu'on retient aussi de ces paroles, que Soror dit que l'activité islamique n'est plus devenue pour moi un emblème, une devise qu'on répète, que certains répètent sans méditer la signification, comme certains disent, il parle des Ikhwan Muflisoun, c'est leur règle, et qu'on s'excuse sur, et que les uns excusent les autres dans les divergences dans les divergences que nous avons entre nous. Et Soror dit, je ne vais pas excuser quelqu'un qui a une divergence avec moi dans le sens contraire, qui est en divergence avec moi sur l'essentiel, ou là une divergence du contraire. Hein? Regardez, ça prouve que dans le groupe des Ikhwan Muslimin, il y a un mélange, il y a des divergences, mais ils ferment les yeux les uns sur les autres. Ils ferment les yeux sur les divergences qu'ils ont avec Shia, avec Asha'ira, avec Sofi, avec ceux-là, ils ferment les yeux sur tout. Du moment qu'ils sont ensemble, ils s'excusent les uns les autres, et ils mettent la main dans la main sur les points sur lesquels ils sont unanimes. Mais je ne sais pas, quand on a des divergences dans les fondements, sur quoi il va être unanime? Barakallahu fikoum. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى رابعا نقلا وهذا كذلك نقلا عن سرور ولم يعد عقلي يتصور يقول سرور ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وهو سرور من كبار التكفيريين والحزبيين في هذا الزمان ولكن إنها الديماغوجية والخطاب السياسي. Écoutez aussi ce point que retient Cheikh Najmi des paroles de et de l'écrit de Soror lui-même. Il dit ma raison ne s'imagine plus qu'il existe un seul groupe et un groupe unique dans lequel il y a le Salafi, il y a le Sofi, il y a l'Ash'ari et le Khariji et le Tkfiri. Il dit, il est prêcheur d'Yel Ihtizal, il est prêcheur d'Yel l'école de la raison, et autres parmi les autres croyances et les autres orientations qui sont différentes les unes des autres. Regardez ces paroles de Soror, sur lesquelles attire notre attention, Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Alors que Soror, c'est l'une des grandes têtes des Hizbi du monde contemporain et des Tkfiri. Mais c'est la démagogie, qu'est-ce que vous voulez? C'est le langage politique. Ainsi ils sont. وهنا كلام للشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في أسفل الورقة كذا قال: ويا لله العجب، وهو الذي يكفل الحكام قاطبة بالعموم وبدون استثناء. انظر ذلك في مجلة السنة عدد 26 سنة 1413 صفحة 2 و3، ويكفل الحكام من آل سعود في العدد 43 سنة 1415 جمادة الثانية صفحة 27 28 29، حيث يقول في حوار بينه وبين صديق الله: قال صاحبي ما رأيك بهذا القول؟ لو سلم أبناء عبد العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذا السوء. فأجابه محمد سرور قائلا: يا أبا، هم أخبت من بطانتهم العلمانية، لأن عقيدة الطرفين واحدة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أليس هذا تكفير لحكام الدولة السعودية صريح واضح، وجعلهم أخبت من العلمانيين؟ كنت من تنص كومنتير وبدل باج كيف الشيخ محمد بن هادي المدخلي لان دي زليف دو الشيخ النجمي حفظه الله تعالى. الشيخ النجمي حفظه الله تعالى كيدي محمد بن هادي نودي سي ان سي كيلا دي ايل دي بار الله جاريت با جو ميتون alors que c'est lui qui rend mécréant les gouverneurs en général sans exception. Tous les gouverneurs du pays de l'islam il les rend mécréants sans exception. Il a dit: regarde dans sa revue Sunna le numéro 26 date 1413 page 2 et 3, il rend mécréant les gouverneurs de Al Saoud. Dans le numéro aussi 43 de l'an 1415 page 28 et 29, alors il dit dans un débat entre lui et son ami, il dit: mon ami m'a dit, c'est quoi ton opinion, qu'est-ce que tu dis de cette parole? C'est à les enfants d'Abdelaziz, c'est-à-dire Al-Saoud, n'avaient pas des conseillers laïcs qui les entourent. Les situations seraient mieux. Regardez maintenant la réponse de Mohamed Sorour. Il lui a dit: ya Aba Foulan, ils sont pires que leurs conseillers laïcs. Car leurs croyances, les croyances des deux côtés, que ce soit le gouverneur de Al-Saoud et leurs conseillers laïcs, ils sont identiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ces paroles? Est-ce que ça, c'est pas du tkfir clair des gouverneurs des pays de l'Arabie Saoudite? C'est un tkfir clair. Et il les fait pire que les laïcs. Subhanallah. Fandur akhi al-qari, yaqulu Sheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, ra'ak Allah, wuffaqaka li kulli khair. Kayfa ja'ala al-Saoud akhbath min al-ilmaniyin? وهذا يدل على أنهم عنده أكفر من العلمانيين، لأن العلمانيين كفار، ومن كان أخبث منهم فإنه أشد كفرا منهم. ومع ذا كله يقول هذا الدجال عن نفسه إنه على عقيدة السلف. كيف يكون على عقيدة السلف وهو يكفر حكام المسلمين؟ سبحان الله. إيه الشيخ من هذه المدخلية ندير يكوت Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa sainte miséricorde et qu'il vous accomplisse dans tout le bien. Regardez comment il a fait que les Al-Saoud sont pires et plus mauvais que les laïcs. Et ça prouve qu'ils sont plus mécréants pour lui que les laïcs. Car le laïc, c'est un mécréant. Et celui qui est pire que lui. Donc ça veut dire qu'il est pire que lui dans la mécréance. Et malgré tout ça, son menteur, comme il dit Cheikh Mundad al-Madkhali, il dit, ce Dajjal dit de lui qu'il est sur le dogme d'El Salaf. Et regardez, comment il peut être sur le dogme d'El Salaf alors qu'il rend mécréant les gouverneurs des pays de l'islam? Khamisan yaqul al-Sheikh al-Najmi hafidhahu Allah ta'ala, wa indama naqulu, et ça il rapporte encore les paroles d'El Cheikh Dial Sorour, pour attirer notre attention que ce sont des beaux parleurs et qu'ils savent manier la lettre et la plume. وعندما نقول يقول سرور في مجلتي وعندما نقول أن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة وشكلا من أشكال التعصب المذهب المذموم والعالم مهما على شأنه وعم فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد et encore une fois a dit Cheikh Najmi de tirer un cinquième point des paroles et de l'écrit de Sorour va te montrer que c'est des gens qui sont dangereux qu'ils ont l'éloquence et qu'ils ont la plume qui excelle dans le fait d'attirer les gens dans un style qui va attirer les gens et qui va faire que on va gober leurs ambiguïtés. Il dit, Soror qui dit, quand je dis que l'asl chez nous, c'est de se cramponner à la voix et aux croyances de nos puiseurs d'Allah Alim, je veux dire par ça les meilleurs des générations. Les générations qui ont reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il parle de Khair al-Quran, les meilleures générations, ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a désigné, et ce à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge. Il dit, la salafia pour nous, ce n'est pas imiter un homme parmi les hommes contemporains dans tout ce qu'il dit et dans les verdicts qu'il y met. Il dit, ce genre d'imitation, nous le considérons comme une forme de hizbisme. Hein? Et une forme de sectarisme qui est non avenant et qui est blâmable. Il dit, et l'homme de science, malgré la place qu'il peut avoir, et malgré les vertus qu'il peut avoir, et malgré les sciences qu'il peut avoir, on prend de lui et on lui rejette aussi. Regardez au départ comment il est parti. Là-bas, c'est de se cramponner à la voix du puiseur d'Allah Alem et à leur croyance. Et regardez à la fin comment il a jeté le venin dans le miel. C'est des manipulateurs par excellence. Sadisan, yaqulu Cheikh Najmi naqlan an Surur, laysa li'amali hada tasmiyatun mu'ayyana li sababayn. Nahnu juz'un min ahli as-sunnah wal jama'ah. ونعمل من أجل عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه السلف الأمة الأخيار. Et Cheikh Najmi de retenir encore un autre point, un sixième point dans ce paragraphe, il dit de Soror, il dit mon œuvre. C'est-à-dire son travail, son activité, son activisme dans le champ islamique, il dit, n'a pas de nom. Pour deux causes, il dit. Deux causes bien précises. Premièrement, il dit, nous sommes une partie des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et nous œuvrons pour ramener tout le monde vers cette grande maison qui est la maison des gens de la sunna. Et il dit, chaque fois que nous parlons des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, nous voulons par ça l'épuiseur d'Allah Alim, la voie sur laquelle était l'épuiseur d'Allah Alim. De la bonne parole, encore une fois. La parole d'un démagogue politicien. ويقول رأيت ثانيا مما نقل مما أخذ في من كلامه الشيخ محمد الشيخ النجمي حفظه الله تعالى يقول رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون الاسم الذي أطلقوه على أنفسهم. ويصبح هذا الاسم شعارا يميزهم عن غيرهم إلى أن قال وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الاسم. انتهى كلامه من مجلته. ويقول الشيخ هذا ما أردت نقله من مقاله بتصرف. الشيخ نجمي دمتر ان دوزيام بوان dans ce sixième paragraphe qu'il a ouvert sur le fait comme quoi Soror dit que nous ne sommes pas donné un nom précis pour deux causes. Il a cité la première cause et la deuxième c'est celle-ci. Il dit, Soror dit, parce que je vois que beaucoup de partis beaucoup de groupes islamiques sont sectaires pour le nom qu'ils se sont donné sur eux-mêmes. Et ce nom devient l'emblème et la devise qui les différencie des autres. Jusqu'à ce qu'il ait dit, et si la situation est ainsi, d'où les injustes, il parle des hommes de science, d'où les injustes ont amené le nom d'Il-Sururia. Et dans quelle usine ils l'ont fabriqué? Dans quelle usine parmi l'origine de mensonge ils ont fabriqué ce nom? Et ça, c'est ce qu'a tiré Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala des paroles et de l'écrit de Sorour. Et il dit, Cheikh Najmi Hafidhahullah, c'est ce que je voulais vous faire lire et vous transmettre des paroles de Sorour. On وهنا كلام للشيخ محمد بن هادي المدخلي يقول حفظه الله تعالى والله ما لفقوه وإنما منك خرج وفي مصنعك وجدوه ألم تقل في مجلتك السنة العدد 29 صفحة 22 مقال بعنوان الوحدة الإسلامية وفيه ما نصه ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما الادعاء بأنها جماعة المسلمين ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب للرئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع وأوامر تصدر فتطاع. تأمل، هذه هي البيعة إلا ما كان مخالفا للكتاب والسنة. إلى encore un autre commentaire de Cheikh Mohamed Nadi المدخلي حفظه الله تعالى ونفع به. قل par Allah, c'est pas les hommes de science qui t'ont collé cette étiquette et ce nom de sorori, mais il est sorti de chez toi, de ton usine. N'as-tu pas dit dans ta revue Sunna numéro 29, hein, page 89, dans un exposé où le titre c'est l'unité islamique, et le texte que tu dis c'est celui-ci: il n'appartient à aucun groupe, malgré la voie qu'il se donne, même si ce groupe il est sur une voie saine, de prétendre qu'il est le groupe des musulmans. Ça veut dire qu'il reconnaît la diversité du groupe. Il n'appartient pas à un émir de ces jama'at de demander la bay'a à l'allégeance pour lui-même, comme l'ont demandé les khulafa des musulmans. Mais il appartient à cet émir, donc il reconnaît qu'il y a l'imara chez eux, et de ceux qui sont autour de lui, d'organiser leur situation comme une administration de la da'wa, une institution de la da'wa, qui œuvre pour que la parole, pour que la religion d'Allah Azza wa Jal, pour que la religion soit propagée sur la terre. Hein? Et cela implique que cette organisation et cette administration doit avoir, cette institution doit avoir un président, un vice-président et des responsables qui sont responsables des différentes branches, et qu'il y ait des ordres qui sont donnés et qui doivent être obéis. Il a justement des ordres donnés et des ordres qui doivent être obéis. C'est là l'allégeance. C'est une forme. Regardez comment il déguise l'allégeance. Hein? Qu'il dit au départ, ils n'appartiennent pas à un responsable de groupe, un émir de groupe, de prendre l'allégeance pour lui-même. Mais regardez à la fin comment il dit, et ses responsables et leur président vont émettre des ordres. Ces ordres doivent être obéis. Et ça, justement, c'est la même chose que l'allégeance. Ces ordres qui doivent être obéis, sauf ce qui est en divergence avec le livre et la sunna, et ça, tout simplement, c'est pour jeter, hein, de la poudre aux yeux. Hein? Parce que ce sont des belles paroles, ceci. Mais c'est des paroles comme il y a dans certaines, c'est des législations de certains pays. Hein? Trouve des belles paroles, notre devise c'est ceci, c'est cela, etc. Et à côté de ça, t'as que T'as des trucs qui sont en divergence avec les lois d'Allah Azzawajal et avec l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى أليس هذا المقال في مجلتك أليس فيه إقرار للبيعة وإلا فما معنى قولك ولكن يحق لهذا الأمير وما معنى قوله وأوامر تصدر فتطاع وممن تصدر هذه الأوامر أليست من أمير الجماعة أو ليس في هذا المقال إقرار بإمارة الجماعات الإسلامية المبتدعة écoutez cette réplique que lui fait الشيخ محمد بن هادي المدخلي il dit est-ce que dans cet exposé dont ta revue il n'y a pas une approbation, une confirmation de l'allégeance. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, ta parole, quand tu dis « Mais il appartient à l'émir ». Qu'est-ce que ça veut dire des ordres qui sont émis et qui doivent être oubliés. De qui viennent ces ordres? Sinon, il vient. Est-ce que ces ordres ne viennent-ils pas directement de l'émir, de la Jama'a? Et tout ceci est dans ton exposé. Est-ce que dans ton exposé, tu n'approuves pas l'Imara dans les groupes islamiques, ces groupes innovés. ويقول له الشيخ حفظه الله تعالى ألم تقل أنت يا سرور في مجلتك السنة العدد 28 صفحة 51 ومن أجل أن تستقيم أمور الجماعات الإسلامية لا بد من مراعاة الأمور التالية أن يكون عند العضو في الجماعة حد أدنى من العلوم الشرعية تمكنه من معرفة الحلال من الحرام والطاعة الشرعية من الطاعة البدعية الشيخ محمد نادي المدخلي lui dit est-ce que tu n'as pas dit où toi Sourour dans ta revue numéro 27 page 51 et pour que la situation des groupes islamiques ça veut dire qu'il les reconnaît tous hein, pour que leur situation soit bonne et soit droite il faut prendre en considération ces points essentiels. Premièrement, que chez le membre de chaque jama'a, de la jama'a, il doit y avoir un minimum de science de la législation qui vont lui permettre de connaître ce qui est halal, ce qui est haram. Et un minimum de science qui lui permettra de connaître l'obéissance légiférée et l'obéissance qui est du domaine de l'innovation. Et Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, قل ألم تقول كذلك أن تراعى شروط الحل والعقد في اختيار قادة الجماعة فأي قائد هو هذا يا محمد سرور الذي يختاره أهل الحل والعقد أليس هو الأمير الحاكم وإن سميتموه بغير هذا الاسم ألم تقل يا سرور بلسانك عندما زرت الشيخ مقبل الوادعي إننا جماعة وأن معنا الشيخ صفر الحوالي دوك il dit le deuxième point هذا il donne les points sur lesquels doivent être les groupes pour que leur voix soit droite. Donc il reconnaît le groupe, il leur instaure même une législation. Il dit, il faut qu'on prenne en considération aussi certaines conditions et on prend en considération les décisions des hommes de science et des gens du bien et des gens de l'expérience, etc., dans le choix des commandants et des chefs des groupes. Dans le choix du commandant et du responsable du groupe, c'est-à-dire l'émir. Donc, qui est ce commandant? Mohamed bin Hadi al-Madkhali lui dit, c'est qui ce commandant, ya Mohamed? Que choisissent les hommes de science et les gens de l'expérience, etc. N'est-ce pas celui qui doit être choisi par ces gens-là? C'est le gouverneur, même si vous lui donnez un autre nom. Il lui dit aussi, est-ce que tu n'as pas dit à Sourour par ta langue, quand tu as visité Cheikh Mokbil, l'Ouadiri, nous sommes un groupe et nous avons avec nous Cheikh Safar al-Hawali. Regardez les contradictions. Contradiction sur contradiction qu'il y a dans les paroles d'Yal et dans les écrits d'Yal. Hein? Cette tête d'Yal, le groupe égaré de la voix de ne plus être. Et Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali lui dit, ألم تقل يا سرور في رسالة لك جوابية لبعض من كاتبك ورددت عليه بهذه الرسالة المؤرخة في 4 شوال عام 1410 هجرية وهذه الرسالة عندي بخط يدك على أوراقك الرسمية التي تحمل شعار مركز الدراسات الإسلامية ألم تقل فيها في الصفحة الثانية وبالتحديد سطر 15 وأنا أعمل في جماعة ليس لها اسم لأننا لا نجد أفضل ولا أحسن من اسم أهل السنة والجماعة وجماعتنا ليست جزءا من أي جماعة معروفة على الساحة. Et regardez maintenant, Épreuve à l'appui, Cheikh Mohamed Nad, il lui dit, n'as-tu pas dit, Ya Sorour, dans une lettre avec laquelle tu as répondu à quelqu'un qui t'a écrit et tu lui as répliqué avec cette lettre, et la lettre, il date de 4 Choual, en l'an 1410, et la lettre, je l'ai chez moi par ta propre écriture et par les papiers officiels du Centre des études islamiques et qui porte l'emblème et la devise du Centre islamique. Tu as dit à la page 2 de cette lettre et exactement à la ligne 15 et j'œuvre dans une jama'a, dans un groupe qui n'a pas de nom, car nous ne trouvons aucun nom qui est bien sauf le nom de Al-Sunnah al-Jama'a, et notre groupe n'est pas une partie d'un autre groupe connu sur le terrain. Tout ça, vous voyez, malgré les déguisements des mots, malgré ce langage démagogue, etc., il reconnaît qu'il a une jama'a. يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي وإذ قد ثبت بهذا أنك في جماعة وهي ليست جزءا من أي جماعة معروفة على الساحة فما الذي يمنع أن تنسب إليك لا سيما وصفات أهل السنة والجماعة لا تنطبق عليها وإنما الذي ينطبق عليها مذهب الخوارج لأن أهل السنة معروفون وصفاتهم معروفة وهم على الساحة بارزون لا يختفون والأسماء لا تغير الحقائق والعبرة بحقيقة ما أنت عليه وجماعتك وقد ظهر هذا جليا في مجلتك ويستطيع كل من نور الله بصيرته بنور العلم الشرعي أن يميزه يعني أن يكشف من أن سرور من كبار التكفيرين والحزبيين في العالم في عصرنا هذا إذن الشيخ النجمي de lui dire الشيخ محمد بن هادي المدخلي de dire donc si tout ça est confirmé et que tu confirmes toi-même et que c'est confirmé que tu as un groupe et que ton groupe ne fait pas partie, ce n'est pas une partie d'un autre groupe qui est connu sur le terrain, qu'est-ce qui empêche qu'on te l'attribue à toi-même, qu'on dise que c'est Sororia, que ce sont les Sororites, surtout que les caractéristiques des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ne vont pas de pair avec vous, avec ce que vous faites. Mais ce qui va de pair avec vous, c'est la voie d'Al-Khawarij. Car les gens de la Sunna sont connus. Et leurs caractéristiques sont connues. Ils sont sur le terrain. Ils sont clairs. Ils ne se cachent pas. Et les noms ne changent pas la réalité. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est la réalité sur laquelle tu es, toi et ton groupe. Et il apparaît clair dans ta revue. Et tout un chacun, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la clairvoyance, de la science de la législation peut faire la part des choses. Il peut savoir que Sorour et son groupe ce sont des Tkfiriyun, ce sont des Hizbiyun, et que Mohamed Sorour c'est l'une des grandes têtes des Hizbi et des Sororites à notre et des Tkfiriyun à notre époque. فكلام سرور هذا كلام الذي نقله الشيخ النجمي حفظه الله كلام جميل جدا ولكن لا بد أن يصدق الواقع، أليس كذلك؟ فكلامه يشبه خطابة السياسيين قبل الانتخابات. تجد هذا السياسي ينشر منشورا فيه وعود معسولة وفيه كلام وأشياء حتى يصوت عليه، وإذا نظرنا في الواقع لا نجد هذا الكلام ولا أثر له. فكلام سرور كلام جميل لكن واقع السرور يكذب هذا. Donc tout ce que nous a cité Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, des paroles de Sorour, c'est des belles paroles, mais ce ne sont que des paroles. Mais les paroles doivent avoir une véracité sur le terrain, doivent être vérifiées sur le terrain et prendre leur réalité sur le terrain. Mais les paroles de Sorour ressemblent directement au discours, disons, politique avant les élections. L'homme politique avant les élections, il a mis des tracts dans lesquels il y a des promesses mielleuses et des paroles et des choses pour qu'on vote pour lui. Et quand on regarde dans la réalité, nous trouvons que, ça, que ce sont que des paroles qui n'ont aucune réalité. Donc les paroles de Sorour sont belles, mais la réalité des Sororites démonte les paroles de Mohamed Sorour. فأنت سمعت أخ الإسلام تعقبات محمد بن هادي لسرور، إن سرور الآن دافع عن نفسه وقال كنت مع الإخوان ثم تركتهم وقال أنه ملتزم بمنهج السلف وأنه ليس بمتعصب، وأنهم كذبوا علي وقالوا عنه وعن أتابي أنهم سرورية، ويقول أننا لم نسمي أنفسنا بالسرورية. فللعلماء عذر، يقول الشيخ أبو مالك الجواني، للعلماء عذر في تسمية هذه الجماعة بالسرورية، لأن محمد سرور يقول بأن له جماعة، وهو الذي اعترف بهذا أمام الشيخ مقبل. فإن لم يسموها بالسرورية، هل تريد منهم أن يسموها بالسلفية؟ وأنت وأتباعك بعيدين عن منهج السلف، تكفرون الحكام وتقرون بالبيعة، وتحزبتم. فتأملوا في كلام سرور في العلماء، كلامه قبيح عندما يتكلم عن العلماء. فسرور وأمثاله أكلت السياسة قلوبهم، إنهم يخاطبون الناس بالخطاب السياسي، كلامه حلو ومعسول والواقع يشهد بخلافه. Donc, vous avez entendu les critiques qu'a émis Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Madkhali sur Sourour. Car Sourour, il s'est défendu. Hein? Il a dit qu'il, est sûr, qu'il était avec les Ikhwan, il les a laissés. Et que maintenant il se compone à la voix du puiseur, et qu'il n'est pas sectaire. Et il dit que les hommes de science sont montés sur lui et sur ses disciples quand ils les ont désignés de Sourouri. Il dit, nous ne nous sommes pas donné ce nom. Cheikh Abou Malik al-Jouani, il dit, les hommes de science ont une excuse de t'appeler, toi et ton groupe, les Sourouri. Pourquoi? Parce que toi-même, Sourour, tu as dit que tu as un groupe. Et tu l'as reconnu devant Cheikh Mokbel. Et que tu as dit que Safar al-Hawali est avec vous. C'est toi qui l'as reconnu. Et si les hommes de science ne t'appellent pas, n'appellent pas ton groupe, les Sourouri, tu veux qu'ils les appellent les Salafis? Alors que toi et tes disciples, vous êtes loin de la voie du Salaf. Et que vous rendez mécréants les gouverneurs des pays de l'islam, et que vous approuvez la bay'a qu'on donne aux chefs des groupes, et que vous êtes sectaires, et vous vous êtes formés en groupe, en parti. Les paroles d'Yel, si vous méditez les paroles qu'a dit Hada Sourour sur les hommes de science, ce ne sont pas des paroles d'un homme salafi, ni d'un salafi qui se respecte. Sourour et ceux qui sont sur la même voie que Sourour, la politique a grignoté leur cœur. Et ils s'adressent aux gens avec un langage politique, des paroles mielleuses, mais leur réalité, c'est tout à fait le contraire. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiya wa an yaqina shar al-fitan ma zahara minha wa ma batan. فعودة إلى كلام الشيخ النجمي حفظه الله تعالى، وعلى هذا يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى، وعلى هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقده للمنهج الإخواني في محله، وهو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي، فهذا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كان يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولائل والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتاباته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على النهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية الذي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دونك الشيخ نغفنو أوليفر ديال الشيخ النجمي حفظه الله تعالى يدي. Partant de là, les paroles de Mohamed Sourour Zil Abidine, dont la critique de la voix d'Yel Ikhwan, ils sont à leur place. Et c'est une critique qui va dans le mille. Il dit, Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, regardez comment les salafis reconnaissent la vérité là où il est. Ils l'acceptent de là où il vient. Hein? Comme ils reconnaissent leurs erreurs. Et il dit, Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, et celui qui dit une parole juste et une parole vraie, il faut qu'on lui dise que tu as dit vrai. Hein? Parce que Cheikh Najmi, il reconnaît que la critique d'Yel Mohamed Sourour Zil Abidine est à sa place. Il est dans le mille. Hein? Mais il dit, mais quand Sourour, il dit que dans sa nouvelle voix, il a pris la voix d'Yel Salaf, il a dit ça, il y a à voir dedans. Si on l'accepte dans certaines choses, comme quoi il a pris la voie d'El Salaf en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et dont l'alliance il disavoue, et Hada, selon ce qu'il a écrit dans ses écrits, mais dans le détail et dans la voie et sur le terrain, ça c'est une chose, dit Cheikh Najmi, que je ne lui connais pas, je ne le sais pas, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accomplisse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse triompher tous les du'ats, et que tous les du'ats marchent sur la voie authentique, et qu'ils se cramponnent à la voie authentique. Mais il dit, Cheikh Najmi dit, mais je remarque sur Cheikh, c'est-à-dire en parlant de Sorour, hein, sa non-déclaration de commencer avec l'unicité de l'adoration, avec laquelle ont commencé les messagers alayhi salatu salam, comme nous l'a annoncé d'Allah Azza wa Jal dans cette traduction approximative dans Sourate Al-Anbiya, où il est dit: chaque fois que nous avons envoyé un messager avant toi, le messager a été révélé au messager qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, adorez-le. Point. Et dans les déclarations, dans les paroles d'Yal Cheikh Sourour, il n'y a pas le fait de déclarer qu'il faut commencer avec l'unicité de l'adoration. Donc là, c'est un des reproches que Cheikh Najmi il fait à Sourour. Mais ça, c'est en général tous les hizbis ne commencent pas, ne donnent pas l'importance à l'unicité de l'adoration, ils ne l'enseignent pas. Regardez sur la Belgique, combien de da'i qui parlent francophones, combien d'eux ils ont fait l'Osul Talata une fois, ou le livre du monothéisme. Regardez maintenant un de nos frères qui est là-bas aux antipodes, là-bas au Canada, combien de livres il a fait sur l'aqida. Et vous voyez la différence. Et même les du'ats à travers le monde arabe et le monde musulman. Regardez combien, tous ceux qui sont sur la voie du Puzel, combien de fois, combien de livres ils ont expliqué d'Yal Aqida. Et regardez les Hizbi, aucun. Et quand ils parlent du monothéisme, c'est pour la consommation locale, c'est juste pour jeter la poudre aux yeux. Hein? C'est passager dans leur discours et c'est tout. Donc on doit se réveiller, on doit être réveillé à ce point-là. ثانيا يقول الشيخ النجمي الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرور بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها أو سماها بها بهذا الاسم بعض القادة فيها فكل ذلك جائز وإنما الذي يهمنا هو العمل فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم هذا ما سنراه في السؤال الآتي. Le deuxième point du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, ce qui nous apparaît, ce qui nous a été transmis de ce groupe qui s'appelle les Sururi, en mettant de côté, c'est eux qui se sont donné le nom, ou là certains disciples, ou là certains commandants, certains responsables se sont donné le nom, tout ceci est permis. Mais il a dit, ce qui nous importe, c'est l'acte. Est-ce que ce groupe, comme a dit son fondateur, il est sur la voie du puiséul complètement, ou alors ils ont donné le dos à la voie du puiséul d'Allah Alim dans certaines situations. À certaines situations qui sont le pivot de la voie du puiséul d'Allah Alim. Et Cheikh Najmi, il a dit, c'est ce que nous allons voir dans cette question. En l'occurrence, cette question, c'est quelqu'un qui est dans ce groupe, hein, et qui envoie une lettre à Cheikh Najmi, Hafidhahullah Ta'ala, et nous allons lire cette lettre. Qui dans le livre aussi. يقول الشيخ النجمي حفظه الله كتب لي سائل ما فقال فضيلة الشيخ أسأل الله أن يشرح صدرك للحق إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب ولكن مع استقامة هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية اللهم استعان من الحلقات السرية حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي ويقولون أن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمان وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة، وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء. فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة. كيف هذا الشاب يطلب من الشيخ أن ينقذه وأن يبين له الحق وأن يوجهه؟ Regardez maintenant, écoutez, et faites attention aux mots, regardez, pour que vous compreniez que même Sororia et Al-Qutbiya ont gardé la carcasse d'Yal Ikhwal Muslimoun pour certains de leurs aspects, notamment le groupe secret et le groupe armé et les trucs qui sont derrière le rideau. Cheikh Najmi doit nous dire, quelqu'un m'a écrit cette lettre, il n'a pas cité son nom. Il a dit, « Ya Cheikh, je te demande, que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ta poitrine pour la vérité. » Il dit, par Allah, la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé vers la voie droite. Mais depuis que je suis revenu sur cette voie droite, je me suis retrouvé dans des groupes secrets. Regardez, ça veut dire qu'il y a une organisation secrète dans tous les groupes qui découlent et qui ont pris la carcasse d'Yal Ikhwan Muflisoun. Hein? Je me suis retrouvé dans des groupes secrets qui font des activités en secret. Et ils ont des groupes et des pensées contemporaines. Et ceci se fait en forme de cercle secret. Même le responsable qui nous oriente, le responsable, celui qui est responsable de nous, on ne sait pas qui l'oriente. Et ces groupes, en secret, ne font qu'insulter les gouverneurs et s'occupent plus de l'actualité, plus que de la demande de la science, de la législation. Et ils disent que celui qui ne comprend pas l'actualité, celui qui comprend l'actualité, est mieux que les hommes de science à notre époque. Ils reçoivent leurs éducations de certains penseurs contemporains, ce qu'on appelle les penseurs islamiques, et leur liaison avec les puzzers d'Allah alim, avec les grands imams, il est minime, n'existe pas. Parce qu'ils disent que notre siècle n'est pas bon pour cette pensée. Et que notre siècle, ce qui va faire le bien de notre siècle, c'est justement l'actualité, de connaître l'actualité. Et il dit, ces groupes s'appellent Sororia ou les Qutbi. Et je suis dans cette organisation, je suis rentré dedans. Et ça fait 4 ans que je suis dedans. Écoutez maintenant. Wa wallahi, il jure, je n'ai rien retenu. J'ai rien compris, j'ai rien retenu. Qu'est-ce que tu me conseilles, mon père, qu'est-ce que tu me conseilles? Sauve-moi, conseille-moi. Donne-moi un noble conseil. Regardez, 4 années, il n'a rien appris. Subhanallah. Et c'est comme celui qui passe 4 ans chez Tebler ou chez l'Ikhwan, il n'apprend rien. Des histoires à dormir debout, chez les autres à parler des gouverneurs. Point final, et ça s'arrête là. Prenez le son, frère en Allah, Azza wa Jal. Prenez le son. Et les hommes de science, quand ils écrivent ce genre d'écrit, c'est pas pour le plaisir de critiquer, mais justement, c'est pour plutôt nous éveiller et nous orienter vers la voie authentique. C'est le devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur eux d'orienter la communauté. Et ce genre de truc dont il a parlé, hein, fait le groupe en secret. Moi, un de nos frères qui s'appelle Abbas, qui fait des cours en français aussi, qui a étudié à Médine, quand j'ai commencé la da'wa, hein, dans le milieu universitaire, il nous racontait que ce qu'il a sauvé de ne pas tomber dans un groupe secret, c'est qu'il n'avait pas l'arabe à cette époque. Et que, hein, les certains chefs, les chefs de certaines cellules venaient l'avoir avec eux, mais il n'avait pas l'arabe, il ne pouvait pas assister à ces réunions secrètes qui se passaient dans une chambre, hein, dans le bâtiment des résidences, hein, chaque fois où ça se passait, mais à huis clos, entre 4-3 personnes. Et c'est tout. Mais il faut arriver à un certain degré. Et lui, ce qu'il a sauvé, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Et puis, il n'avait pas l'arabe. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu autre chose pour lui. Il a voulu pour lui qu'il aille étudier dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam et d'apprendre la science de ceux qui ont son dîn. Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Et Cheikh Najmi, ça c'est la lettre du jeune que vous avez entendu. Et maintenant Cheikh Najmi il répond à cette lettre. Et il dit وَقَدْ أَجَبْتُهُ بِمَا يَلِي الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَجْمُوعَاتِ السِّرِّيَّةِ مَجْمُوعَاتٌ مُبْتَدَعَةٌ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الثَّالِيَةِ. Et Cheikh Najmi nous dit, j'ai répondu à celui qui m'a envoyé la lettre avec ceci. Louange à Allah, il a fait les prières sur le prophète alayhi salam, il dit, et après, ces groupes secrets, ce sont des groupes innovés. Et ceci apparaît dans plusieurs points. Et il commence à détailler le point. Hafidhahu Allah ta'ala wa shafahu wa afah wa akramahu bi bil firdaus al-a'la insha'Allah. أولا السرية والتكتم في دعوة بدون حاجة إليه فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها فما هو الداعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمورا غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. Écoutez cette noble critique. Il dit d'abord, cette syrie, ce secret, de se renfermer, d'être en secret dans leur dawa, ils n'ont pas besoin, parce qu'ils font ça dans un pays islamique. L'Arabie Saoudite est un pays islamique. Hein? Un pays qui donne l'importance à la dawa, et qui, il y a un service, il y a un ministère qui s'occupe du du'at, et les du'at sont des salariés. Hein? Et l'Arabie Saoudite est un pays, est une société musulmane et aide la da'wa dans tous les domaines et sur toute la terre. Et chaque da'wa réformatrice qui appelle vers le livre d'Allah, l'authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il est aidé. Pourquoi ils ont besoin d'être en secret, de se former en secret? Parce qu'ils ont dans leur da'wa quelque chose. Autre chose que l'apprentissage de la législation. Et ils veulent être en secret, que personne ne connaisse la situation sur laquelle ils sont, jusqu'à arriver à leur but. فالآن اسمعوا لما ينتقده الشيخ النجمي حفظه الله الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. يقول الشيخ محمد بن هادي لكن محمد سرور لا يرى هذا بل الذي يراه أن حكما أخبث من العلمانيين كما بينت هذا في الصفحة 213 من هذا الكتاب ونقلت ذلك عنه من مجلة المسمة ظهورا بالسنة استمع إليه حيث يقول في العدد معلقا ومتهكما بتأييد الدولة للدعوة والدعاة ويا للعجب من تناقضات دولة فهد وأشقائه يفتخرون بإرسال الدعاة إلى جميع بلدان العالم ويدفعون لهم المكافآت ويمنعون الدعاة الأحرار المتطوعين في بلدهم يمنعونهم حتى من رفع صوتهم بالدعوة إلى الله داخل بيوتهم. ترى ماذا أبقى هؤلاء الظلمة يعني خادم الحرمين وإخوانه وفقهم الله ماذا أبقوا للقذافي والأسد وصدام وجنرالات الجزائر. يقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي فانظر إلى الفرق بين مواقف أهل العلم المتمثل في اعترافهم بالفضل لهذه الدولة وفقها الله عز وجل في إرسال الدعاة ودعمهم وتأييدهم ولا يعرف الفضل لأهله إلا أولو الفضل وبين موقف هذا الخارج التكفيري المحترق عليه من الله ما يستحق. هذا كلام الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Voici maintenant un commentaire. Ce passage de Cheikh Mohamed Nadi al-Madkhali, il dit Mohamed, mais Mohamed Sorour ne voit pas que l'Arabie Saoudite est un pays musulman. Il voit que les gouverneurs de l'Arabie Saoudite sont pires que les laïcs, comme nous l'a éclairé tout à l'heure. Il dit dans sa revue Sunna, qu'il appelle Sunna, alors qu'il devrait être appelé plutôt l'innovation, dans son numéro 43, page 17, il dit أصمكم de l'aide que fait l'Arabie Saoudite à du'at et à la da'wa. Et elle dit, ils sont étonnantes les contradictions de la, du pays de Fahd et de ses frères. Ils ont la fierté d'envoyer des du'at vers le monde entier. Alhamdulillah, tu le reconnais qu'ils envoient des du'at vers le monde entier. Et ils donnent de l'argent, ils payent ces du'at alors qu'ils interdisent ce du'at libre, bénévole dans leur pays. Ils leur interdisent de faire dawa, même dans leur maison. Et il dit, maintenant, écoute ça, il dit, qu'est-ce qu'ils ont laissé ces injustes? Il veut parler des gouverneurs de l'Arabie Saoudite, il les traite d'être injustes. Mais qu'est-ce qu'ils laissent ces injustes? Al-Qaddafi, à Assad, à Saddam et au général d'Algérie. Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali dit, regarde la différence qu'il y a entre la position des hommes de science. Regardez, en parlant de son cheikh, il reconnaît les vertus de ce pays comme quoi il s'occupe de la da'wa. Il fait que les du'at ne s'occupent que de la da'wa et qu'ils ont un salaire pour ça. Il y a un service qui s'occupe d'eux et il les envoie à travers le monde. Il les aide, il leur donne tous les moyens. Mais comme dit Cheikh Ben Mohamed Ben Hadi, le Madkhali ne connaît le bien d'une chose que les gens du bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais il a dit, faites la part des choses entre la position des hommes de bien et la position de ce khariji, de ce kfiri, qui est Mohamed Sourour. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense comme il se doit. Ainsi termine son passage, Cheikh Mohamed Ben Hadi le Madkhali. Et sur cette voie-là, ce qu'a dit une certaine fois sur les ondes, de la radio qui fait triompher l'innovation là-bas à Roubaix, au nord de la France. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Le gardien des lieux saints. Alhamdulillah, tu as reconnu qu'il est le gardien des lieux saints. Toi, tu gardes quoi? Tu gardes la mécréance. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est une époque où, il y avait le peuple palestinien subissait, etc. Alors qu'à cette époque, il y avait des grands aides qui partaient d'Arabie Saoudite vers la Palestine à tel point que certains groupes juifs sont sortis en protestation sur certaines places aux États-Unis pour protester contre cette aide qui était envoyée par le peuple saoudien, par le gouvernement saoudien vers la Palestine. Et Hada, le petit ministre de France, il dit, qu'est-ce qu'ils font les gouverneurs de pays? Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on suit chaque groupe à ses disciples à travers le monde. Et il est évident que Sororia, il s'est bien planté en Europe. Il est pensé dire Sororia, même si certains, ils ne connaissent pas Allah, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont de Sororia, mais ils ont les idées, ils sont sur la même voie qu'elles. Sans le vouloir, indirectement, ils sont imprégnés de leur doctrine et de leur idéologie par les livres, par les revues qu'ils achètent et qu'ils lisent. Et des fois, ils lisent même de la revue d'Al Sunna, ils savent même pas d'où il vient, et son fondateur, etc. Ils le connaissent même pas. Mais, en lisant dans ce genre de revue, ils attrapent les calamités et les ambiguïtés. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى en répondant à la lettre, ثانياً الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعادية يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها تشطر الأمة وتفرقها رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآن الكريم قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Écoutez encore une fois, Cheikh Najmi, dans cette lettre qu'il envoie à ce jeune, lui dit, deuxième point, le sectarisme, le fait de se constituer en groupe et l'organisation comme ça, des hizb, des partis, divisent la communauté. Il fait que la communauté soit des groupes qui ont la haine les uns contre les autres. Et chaque groupe voit que la vérité est avec lui. Et ils s'allient entre eux, c'est-à-dire ceux qui sont adeptes d'un même groupe, ils s'allient entre eux, ils ont la sympathie entre eux, ils se font triompher les uns les autres quand ils sont dans le même parti, mais ceci, ils ne le font pas avec les autres hizbes. avec les autres parties, c'est il les appelle les autres pensées ou là autre chose, ou en tous les cas, il les déteste. Et ça, c'est une innovation qui divise la communauté et qui disperse les forces de cette communauté. Alors que cette communauté doit être unique selon les directives du Coran. Il est dit dans le verset dans Sourate Al-Anbiya, ceci, cette communauté, c'est votre communauté, il est unique et je suis votre Seigneur, adorez-moi. C'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. ثالثا يقول الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الرسالة نصيحة لهذا الشاب من بدع الإمارة في الحضر وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ولا أمر الله عز وجل عباده بذلك أي بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله عز وجل ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Troisième point, écoutez-le bien. Ça, vous comprenez que vous avez des frères tablir, etc. On leur dit quelque chose. Ils disent, attends, je vais demander d'abord à mon émir si j'ai le droit de le faire ou là, si je peux le faire. Et fait partie de leur innovation, le fait de prendre un émir dans leur résidence. Et ça, c'est une innovation. Hein, qui rendent avec elle, avec cette innovation, les gens des esclaves. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés des hommes libres. Il ne peut pas bouger dès que quelqu'un est dans Jama'at Tabligh ou là dans Hizb al-Ikhwan ou là dans un autre Hizb ou là chez les Yassinites, il ne peut pas bouger sans l'ordre, faire quoi que ce soit sans l'ordre de son émir. Alors que ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas demandé, le messager alayhi salatu wasalam ne l'a pas demandé à ses compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas ordonné. La seule chose qui a été demandée par notre prophète alayhi salatu wasalam, par Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils sont en bataille, quand ils partent vers l'armée, alors là le verset il dit dans sourate An-Nur, quand ils sont avec lui sur une situation, la bataille ou autre, ils ne partent pas avant de lui demander la permission. Tout simplement là, quand il s'agit de bataille, quand ils se sont constitués, sortis en armée, pour une situation, ils ne peuvent pas revenir ou faire quoi que ce soit avant d'aller demander l'ordre au prophète. Alors que ceux-là, tu es en résidence chez toi, tu dois aller voir l'émir pour ce que tu fais. Mais quand, alors que les compagnons de Mohammed al-Sallam, dans leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils sont à midi, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de demander au prophète al-Sallam. Et ces gens-là, et ces adeptes de groupe, font obligatoire pour leurs disciples. Il leur impose des choses que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas imposées. Imaginez, je vous donne un exemple et vous allez voir. Il est des Français convertis ici dans la ville de Lens. Une fois, à cette époque, il y avait encore des chouyours comme Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad et d'autres qui sont venus pour chercher des étudiants pour l'Arabie Saoudite. C'est dans les années, la fin des années 99. Et ils ont parlé avec un jeune Français converti qui était adepte de Hada, il leur a dit pour qu'il vienne étudier en Arabie Saoudite, sans condition, sans rien à cette époque-là. Il a dit, je vais aller demander au Mashaïr et je vous rends la réponse. Il a été voir l'émir de son quartier, il a téléphoné au Mashaïr de Paris, il a dit, tu vas pas. Subhanallah, regardez le bienfait qu'ils lui ont fait rater à celui-là. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est tawfiq min Allah Azza wa Jal. Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrété que ce soit ainsi, c'est tout. Rabi'an, من بدعهم وجرائهم لعن الحكام وسبهم وتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم وهذا خلاف ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. Aussi, quatrième point dans la lettre où Cheikh Najmi montre à ce jeune qui lui a écrit cette lettre pour l'orienter, pour le conseiller, il fait partie de leurs innovations et de leurs crimes d'insulter les gouverneurs et d'éloigner les gens d'eux. d'attiser la haine des gens contre les gouverneurs pour qu'ils ne les prennent plus comme gouverneurs et qu'ils leur obéissent plus. Et ça, c'est le contraire de ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, écoute et obéis, même si le gouverneur se frappe ton dos et prend ta fortune. Hein? Et ceci est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Hein? ويقول الشيخ محمد بن هادي المدخلي هنا كذلك في تعليق الله حفظه الله تعالى ومتع به ولم يقتصر سبهم على الحكام بل يتناولون علماء السعودية بالسب والتنقص والتجريح ويسميهم محمد بن صرور بعبيد السياسة وعبيد الحكام كما قال في مقال له في بعض أعداد مجلة المسمى ظلما بمجلة السنة وقال في الكتاب 23 من هذه المجلة تحت عنوان المساعدات الرسمية قال وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى أحجد الأذلة التي تجيز هذا العمل ويقيمون النكير على من يخالفهم وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضية تذكر العبيد خبط الرافضة وانحراف منهجهم وعداءهم لأهل السنة وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم هذا الصنف من الناس يكذبون يتجسسون يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلب السادة منهم إلى أن قال يا إخواننا لا تغرنكم هذه المظاهر فهذه المشيخة صنع الظالمون ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الظلم ومن الخذلان نعوذ بالله من الظلم ومن الخذلان نسأل الله السلامة والعافية ماذا تقول ماذا نقول إلا كما قال الأول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فأغاضي طن Le commentaire, un commentaire de Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madhali, il dit, mais leurs insultes ne se sont pas arrêtées tout simplement aux gouverneurs du pays de, hein, mais ils ont critiqué et insulté les hommes de science de l'Arabie Saoudite. Ils les ont dénigrés. Et Mohammed bin Sourour, il les appelle les esclaves de la politique et les esclaves des gouverneurs. Ainsi, il les appelle dans un exposé de l'un des numéros de sa revue qu'il a appelé injustement la Sunna, alors qu'il devrait l'appeler Al-Bid'a. Et dans le numéro 23 de cette revue, sous le titre Les aides officielles, il dit, regardez ce qu'il dit des hommes de science, il y a une autre catégorie qui prend sans avoir honte, c'est-à-dire qui prend l'argent sans avoir honte. Et qui lient leur position par rapport aux positions de leur chef. Et quand leur chef prend comme aide les Américains, ses serviteurs, ses esclaves vont chercher les preuves pour leur permettre cet acte. Et si quelqu'un est en divergence avec eux, ils vont le dénigrer. Et quand leur chef est en dispute avec les rangs rafidit, les serviteurs, les esclaves se rappellent l'impureté de Rafida et la déviance de leur voix et leur haine des gens de la Sunna. Et quand il n'y a plus de problème entre le gouverneur saoudien, hein, et le Rafida, dans ces cas-là, les esclaves vont se taire, ils vont plus distribuer les livres qui parlent de Rafida et que les gouverneurs ont donné à ces savants pour les distribuer. Et il dit, ces gens, en parlant des hommes de science, hein, espionnent les gens, ils font des rapports, ils font tout ce que leur demande leur chef. Et il dit, ô frère, ne soyez pas imbus de cette apparence de chair. Cette apparence de chair a été fabriquée par les injustes. Et la fonction de son éminence cheikh n'est pas différente de la fonction de l'un des grands agents de la sécurité. Regardez comment ils parlent, les hommes de science. Regardez comment ils parlent. Regardez cette injustice. et cette waqaha et cet avilissement dans la façon de parler des hommes de science. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On dit comment on dit les premiers. Quand l'insensé parle, tu lui réponds pas, car il vaut mieux que tu taises que tu lui répondes. Il vaut mieux se taire que de lui répondre. فهذا الكلام كله كتبه لماذا سرور؟ يعرج على مسألة الخليج لما استعانت السعودية بالأمريكان وعلماء السعودية أجازوه للضرورة، ولكن السرور يتشنع على هذه الفتوى وعلى أفاضل أهل العلم وهيجوا، ولا زال الكل يذكر كيف تلامذة سرور صفر وسرور أقاموا الدنيا على علماء السعودية، والشباب طبعا استجاب لهم، فالشباب يؤخذ بالعاطفة ويحب هؤلاء الرموز. فهذا شيخهم سرور، اسمع، سمعت ما قال؟ أي عبيد يتكلم عنهم؟ سرور لا يعلم أن هناك في السعودية مثل هؤلاء العبيد الذين يتكلم عنهم. فسرور قائد هؤلاء الجهال، وربنا يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ces paroles qu'il a dit de سرور dans sa revue, c'est il critique. Quand tu as eu l'affaire, la première crise du Golfe, hein, et quand les Saoudiens ont pris comme aide les Américains, que les hommes d'Arabie Saoudite, les hommes de science d'Arabie Saoudite ont permis cette aide, mais Soror ont dénigré les hommes de science, ont rejeté cette fatwa de ces nobles hommes de science, et ils ont excité les jeunes. Et tout un chacun se rappelle comment ils étaient les élèves de Safar et de Soror, comment ils étaient mauvais et d'un mauvais langage avec les nobles hommes de science de cette communauté qui sont Cheikh Ibn Baz, Cheikh Fawzan, Cheikh Uthaymeen et autres. Et naturellement, la jeunesse répond à ce genre de langage parce que les jeunes sont pris par le sentiment, ils suivent leurs sentiments, hein, ils aiment ces emblèmes, ils aiment, et voici leur Cheikh. Soror, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a traité les hommes de science d'esclaves. Il parle de qui, Soror? Et on ne sait pas qu'en Arabie Saoudite, il y a des esclaves, comme ce qu'a désigné Soror. Les hommes de science parlent avec la législation, ramènent les preuves, etc. Hein? Ils font des efforts d'interprétation. Si ils sont dignes de cet effort, ben, s'ils étaient dans le vrai, ben, ils ont deux récompenses. Mais s'ils étaient dans le faux, ils ont une récompense. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on prend des insensés comme guide, comme soror, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. Wa audatan. Fahal wasf l'ulama bil abid wa bihadi l'awsaf yakulu rajulun yahtarimu nafsa. ورجل سلفي لكن لسنا نأسى على سرور أمره واضح بين ولكن الأسى على الشباب الذين يتأثرون بهذا الكلام ويتربون عليه فانظر شيخ السروريين ماذا يقول وبعد ذلك يتطاولون على السلفيين ويقولون إنهم يتكلمون في العلماء رمتني بذائها وانسلت اسكو. Ici, il y a un homme qui est doué de raison et qui se respecte de désigner les hommes de science par ce genre, de dénigrer les hommes de science de cette façon. Mais on n'est pas triste pour Soror. La situation de Soror est claire, mais on est triste pour cette jeunesse qui sont influencées par ce genre de paroles, hein, et qui sont éduquées sur ce genre de paroles. Regardez leur cher Soror. Qu'est-ce qu'il dit? Et après tout ça, hein, ils disent des salafis qu'ils parlent des hommes de science. Regardez comment, hein, ce qu'ils font, Umma ils l'attribuent aux autres. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. Wa rujou'an ila kalam al-shaykh al-najmi afa Allah wa shafa. Faman minna al-yawma duriba dhahrahu biduni haqq aw khida malahu biduni haqq inna dawlatana wa lillahi al-hamd تعطينا ولا تأخذ منا بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم أما المنكرات فهي قد وقعت في أبهى العصور وأفضلها كعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية وأول دولة بني العباس التي هي العصور المفضلة. فقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه في زمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كالإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد بن حنبل. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلاة، لا ما قاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يغفنوا على parole du Cheikh Najmi حفظه الله تعالى. Qui parmi nous aujourd'hui on l'a frappé sans justice? Qui parmi nous lui a pris sa fortune sans justice? Il dit notre état, en parlant de l'Arabie Saoudite, la louange est à Allah Azza wa Jal, ne donne et prend rien de nous. Et nous sommes en sécurité dans notre pays. Et nous sommes dans une nuisance dans la vie. Beaucoup de pays, beaucoup de gens nous jalousent. Ils veulent être dans la même situation que nous. Et ça, par Allah, c'est vrai. Combien de nous veulent aller là-bas et être là-bas? Sauf les kharijis et les ikhwanis, ceux-là, les brûlés, les khawarij et les ikhwanis, on ne parle pas d'eux, mais quelqu'un qui est digne et qui respecte la voix du sépuiseur d'Allah alayhim, tout un chacun de nous veut aller là-bas. Il n'y a pas de tombe qui s'adore. Hein? La nuit, tu peux sortir tranquille. Hein? Regardez, écoutez ce qu'a dit Cheikh Mouqbil de cet état. Regardez la dernière des Rissala qui a dit ma dernière visite en Arabie Saoudite. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui vous. Et Cheikh Najmi de dire, qu'est-ce qui pousse à insulter les gouverneurs de cette façon-là? Il dit, quant aux choses blâmables, même s'il y a des choses blâmables dans ce pays, il dit, et quant aux choses blâmables, ils sont arrivés à la meilleure des époques. L'époque du Khalifa al-Rashidin, l'époque de Abu Bakr, de Uthman, de Ali, l'époque des Omeyyades. L'époque de Banu al-Abbas, au début de l'empire de Banu al-Abbas, et ce sont les meilleures époques de l'islam. Lisez votre histoire, lisez l'histoire, et vous allez voir. Hein? Et vous allez voir ce qui s'est passé à l'époque des Salaf Saleh, et à l'époque des imams dignes du nom, qui sont l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, et contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam Abu Hanifa et autres, radiyallahu anhu wa ardahum wa rahimahumullah. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a désigné à ses compagnons les gouverneurs injustes, ils lui ont dit, est-ce qu'on prend les armes contre eux? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit non, tant qu'ils accomplissent la prière, tant qu'ils accomplissent avec vous la prière, vous ne prenez pas les armes contre eux. Dans un autre hadith, il a dit non, sauf si vous voyez une mécréance claire de laquelle vous avez une preuve d'Allah azza wa jal. Mais ceci, sache, frère en Allah Azza wa Jal, ne donne pas ta tête à autrui. Tu ne peux pas le déceler, toi. Ça, c'est les hommes de science qui doivent le faire. C'est les hommes de science qui ont les capacités de déceler si la preuve est accomplie, si la preuve a été comprise ou pas. Toi et moi, nous devons rester à notre place. Ne te fais pas avoir par ces sites d'Yeltkviriyin, par ces sites qui insultent les gouverneurs, par ces sites qui rendent tous les pays de l'islam mécréants. Reste à ta place, frère en l'islam. Respecte-toi. Et respecte ta place, parce que demain tu vas te retrouver devant Allah Azza wa Jal. Hein? Waqulu. Bah on va arrêter là, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu ilaykum wa jazakum Allahu khayran. Ya on est samedi aujourd'hui, on se retrouve inshallah lundi.